Dossier 5, livre page 52. Leïla, tu as pris du poids. Pour être en bonne forme, il faut manger équilibré et faire du sport. Pour manger équilibré, qu'est-ce que je dois faire? Le matin, pour le petit déjeuner, par exemple, tu prends du lait avec un œuf. Tu ne prends pas de chocolat. À midi, pour le déjeuner, tu prends de la viande avec des légumes ou du poisson. Pas de hamburger. Pas de boisson gazeuse. Tu bois seulement de l'eau. Le soir, pour le dîner, tu prends du fromage et un fruit. Pas de gâteau.